D'abord, viens, dis-moi. Oui, dis-leur. Vas-y, dis-moi, combien ça coûte de rester en vie? Combien on réfléchit avant de nous mettre au monde? L'ex à l'heure, le œuf. Y'a bien trop de barrières de pélo sans cervelle qui font couler ma haine et ma plume à la sang. On aurait pu faire marche arrière, frère, on s'en servait pour combattre nos peines les plus menaçantes. En enfer, j'ai voulu tout faire, j'ai nagé grand danger. Et j'ai eu le but ouvert et là j'ai vendangé. J'ai serré les molaires pour laisser place à la colère. La colère, la colère, je n'ai fait qu'engranger. J'ai fait tomber mes larmes sur les toits de vos maisons. Dans la foulée disparaissait l'étoile sur de mauvaises ondes. Ceux qui n'ont pas forcément tort, ici n'ont pas raison. Ça ressemble à la mort et je m'endors sur la comparaison. Je les ai vus miaulant au pied de sales bâtards. Je suis devenu violent pour rendre chaque patate. Je me suis réfugié tapis dans ma part d'ombre. Tu m'as jugé, tant pis, dis pas pardon. Je veux battre mes démons, j'en ai des centaines. J'en ai des sans peur, sans cœur, j'en ai des sans tête. Un dernier effort, je quitte la foire pile à l'heure. J'avais plus de force, qui m'en voudra d'avoir pris la leur? Gros, je voulais m'amuser, je voulais pas amuser. Abîmé, je connais pas le musée, foulais pas le musette. On m'a vu de Paris à Naples, je ne veux pas Rihanna. Je veux danser un tango avec l'ombre de Mariana. Dis-moi, dis, combien ça coûte de rester en vie? Combien on réfléchit avant de nous mettre au monde? Dis-moi, combien ça coûte de rester en vie? Combien on réfléchit avant de nous mettre au monde? Ici tout est violent et notre vie s'y plie. On se fait violence, autodiscipline, raz-de-marée, les autres qui supplient. Le sang est affriolant et votre cri sublime. Ici tout est violent et notre vie s'y plie. On se fait violence, autodiscipline, raz-de-marée, les autres qui supplient. Le sang est affriolant et votre cri sublime. Cette voix unique m'appelle et je réalise le manque. Et la musique m'apaise même dans les pires moments. La plume en main, je passe au frangin, dites-moi qui me demande. Et toi tu rêves de vérité, qui va mentir le plus? J'ai vu cette mère maltraiter ses petits deux fils de pute. Ces gamins se défoncer la gueule en guise de lutte. Un tas de gosses sans manque qui reçoivent leurs enfants. Y'a pas de faux semblants et tout le monde s'en branle. Autant que cette bande qui marche en ville et qui en vit le luxe. Mais qui a cru que les bourgeois avaient plus de valeur que les secrets de l'humanité enfouis depuis des lustres. Vas-y, assume ce que t'es, pour moi c'est l'exhaleur. Ou Alex Kurevitch. Et on le sait tous, y'a la montée, la descente, tous méritent. Ce mec douteux se pendra au de son Kundelich. La vie, la mort, et pour un pouce bleu, la foule décide. Ce n'est pas mon cas, je mène toujours ce combat contre moi-même. Les jours où je me fais violent, je compte sur Mohamed. Chacun son fardeau, le mien, je l'ai posé au micro. Ça fait un bail que j'ai pas de nouvelles de José Rodrigo. Aujourd'hui, le soleil meurt et les nuages ne font qu'un. La furie et la foi, comme l'époque de la funky. Ouais, j'ai le mal d'un orphelin dans le village de Fontaine. À quoi bon rayonner quand toute ma ville s'assombrit? Pas de maquillage, passe le karcher sur un visage de fontain. J'suis sûrement né pour ça et ma famille l'a compris. Et ouais, j'suis droit dans mes affaires et le peuple est conquis. Avec le cœur et la tête sans me demander combien. Combien ça coûte de rester en vie? Combien on réfléchit avant de nous mettre au monde? Combien ça coûte de rester en vie? Combien on réfléchit avant de nous mettre au monde? Ici tout est violent et notre vie s'y plie. On se fait violence, autodiscipline, raz-de-marée, les autres qui supplient. Le sang est affriolant et votre cri sublime. Ici tout est violent et notre vie s'y plie. On se fait violence, autodiscipline, raz-de-marée, les autres qui supplient. Le sang est affriolant et votre cri sublime.